بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue, barakallahu fikoum, la lecture et l'explication de ce livre très profitable, le livre Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah. On est arrivé à la parole de l'auteur, Babu qawlillahi ta'ala, donc le chapitre concernant la parole d'Allah le Très-Haut. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. Est-ce qu'ils accordent comme associés à Allah ce qui ne crée rien et ceux qui eux-mêmes sont créés, qui ne peuvent les secourir et qui ne peuvent se secourir eux-mêmes? Et donc ici, la question qui est posée dans ce verset, barakallahu fikum, c'est ce qu'on appelle en arabe su'alu istinkar. C'est une question pour blâmer. Et donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala blâme ceux qui font cela. Blâme ceux qui vont lui accorder des associés. Car il n'y a que Allah tabaraka wa ta'ala qui soit capable de créer. Tout ce que vous adorez en dehors d'Allah a été créé. Il n'y a pas si longtemps, c'était la fête, c'était la Noël, naissance de Jésus. Donc preuve qu'il a été créé. Et donc vous adorez quelque chose qui a été créé et qui ne peut créer. Et si un jour, quelqu'un vient à vous en vous disant « Oui, mais vous les musulmans, vous aussi, vous dites qu'il y a d'autres créateurs. » On a déjà vu ce sujet plusieurs fois. Dans le Coran, c'est marqué que Allah est le meilleur des créateurs. Le meilleur des créateurs. Et donc, il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Allah, c'est le seul qui crée sans rien. Nous, on transforme. Très bien, mashallah. Allah, c'est celui qui crée à partir de rien. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va transformer les choses. Comme il l'a dit, barakallahu fik Suleiman. Et donc, Allah, tabaraka wa ta'ala, dans ce verset, il montre l'incapacité des fausses divinités. Celles-ci n'ont pas la capacité de créer quoi que ce soit, mais au contraire, pire que cela, elles sont créées, elles ont été créées. Et deuxièmement, les autres divinités n'ont pas la capacité de secourir les gens qui les invoquent. Mais pire que cela encore, les autres divinités n'ont pas la capacité de se secourir elles-mêmes. Et subhanallah, les chrétiens, ils nous montrent exactement cela fait donc chez Isa. Ils nous disent, donc il est né, il a été créé. Ils nous disent, il est mort, il a été tué. Et donc il n'a pas eu la capacité de se secourir lui-même. Et donc comment est-ce qu'il va nous secourir s'il n'a pas pu se secourir lui-même face à ses ennemis? Et ensuite la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Ceux que vous invoquez en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah, ne possèdent même pas un qitmir. Qitmir, c'est la petite peau très fine qu'il y a autour du noyau de date. Lorsque tu manges une date, que tu récupères le noyau, parfois il y a une petite peau très fine autour de ce noyau. C'est ça qu'on appelle le qitmir. Et donc ce qui est voulu ici, c'est que tous ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ne possèdent rien. Ils ne possèdent même pas cette chose qui n'a pas de valeur en réalité. Si quelqu'un vient à la mosquée ici et nous dit « Je vous vends une tonne de ce petit truc-là », qui c'est qui prend? Je vous le vends pour 1 euro. Qui le prend? Personne ne va le prendre. Ça n'a pas de valeur ici. Et donc, il ne possède même pas ça. Comment est-ce qu'il pourrait vous donner quelque chose qui a plus de valeur que ça? Allah tabaraka wa ta'ala nous montre ici que toute la royauté, elle lui appartient à lui seul. Et donc, pourquoi est-ce que vous allez adorer d'autres divinités qui ne possèdent rien? Et d'ailleurs, ici, il y a les versets précédents. Comme j'ai dit, le Cheikh Obed al-Jabiri Hafidahullah, il va citer, donc pour éclaircir un verset, il va citer les versets qui le précèdent ou les versets qui suivent. Et donc ici, il nous cite la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, yulijul layla fil nahari wa yulijul nahara fil layl wa sakhara al-shamsa wal-qamara kullun yajri li ajalin musamma dhalikumullahu rabbukum lahul mulk walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الله تبارك وتعالى c'est celui donc qui couvre donc la nuit, qui fait la nuit recouvrir le jour et qui fait le jour recouvrir la nuit. Il est celui qui a assujetti le soleil et la lune. Chacun accourt, chacun avance vers sa limite déterminée. Et voilà votre Seigneur, à lui appartient la royauté. Et ce que vous invoquez en dehors de lui ne possède pas un kitmir, donc cette peau qu'il y a autour du noyau de date. Lorsque vous les invoquez, ils n'entendent pas vos invocations. Et même s'ils entendaient, ils n'auraient pas exaucé vos vœux. Et au jour de la résurrection, ils rejetteront donc votre association. Voilà, yunabi ou kamis ou khabir. Et donc, Allah Ta'ala, il nous montre ici qu'il est le seul à détenir la royauté. Il est donc le seul à mériter l'adoration. Ici, le Cheikh Obeid, il nous cite un point important. Il nous dit « Hafizahullah ». Et certes, il est connu chez les gens de la raison qu'ils disent « Faqidu shay'i la yu'ti ». Celui qui ne possède pas quelque chose ne peut pas la donner. Celui qui ne possède pas quelque chose ne peut pas la donner. On dit ça aussi pour quelqu'un qui n'a pas de science et qui cherche à donner de la science. Il n'a pas de science, il va transmettre quoi aux gens ? Et donc, même chose pour ceux qui invoquent de fausses divinités. Il ne possède pas ce que vous lui demandez. Comment est-ce qu'il va vous l'accorder? Il nous dit, si une personne vient voir un individu, un pauvre, une personne vient voir un pauvre, et lui dit, oh, un tel, prête-moi donc 100 000. Prête-moi 100 000. Nous, on va dire 100 000 euros. Prête-moi 100 000 euros. Tu dis ça à un pauvre, alors que le pauvre, il n'a pas l'argent, il n'a pas d'argent pour lui-même. Les personnes qui auraient assisté à cela, elles auraient donc jugé cette demande comme étant vraiment quelque chose de bas, d'inutile. C'est un manque de raison. Et donc, il nous dit le cher, mais comment se fait-il donc que les gens vont demander à des fausses divinités qu'ils ne possèdent pas du tout et qui sont très loin de posséder ce qu'elles leur demandent? Ça aussi, c'est un grand manque de raison. Ensuite, l'imam Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah, il nous cite donc, il nous dit, Wafis Sahih. Ici, Wafis Sahih, ce hadith, il a été cité donc par Al-Bukhari et Muslim. Wafis Sahih. عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. Et donc selon Anas ibn Malik رضي الله عنه qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم fut blessé durant la bataille de Uhud. Et une de ses dents s'est cassée. Une de ses dents avant s'est cassée. Alors, il a dit, comment est-ce qu'un peuple qui a blessé et qui a ouvert, donc, shujjah, c'est-à-dire, c'est vraiment qu'il y a une ouverture. Ce n'est pas une petite blessure, c'est une ouverture. Et donc, comment donc, est-ce qu'un peuple qui a blessé leur prophète, comment est-ce qu'ils peuvent réussir? Comment est-ce que ces gens-là peuvent réussir alors qu'ils ont blessé leur prophète? Lorsqu'il a dit ça, sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre sa parole, « Laysa leka minel amri shay. » Tu ne détiens aucune part du commandement. Ce n'est pas toi qui décides. Ils l'ont blessé, le messager d'Allah, et ce n'est pas lui qui décide. Il a dit, comment est-ce qu'un peuple comme tel, comment est-ce que des gens comme ça peuvent-ils réussir? Ils ont blessé leur prophète. Laïssa l'ekam de l'anglishé. Wafi. Et donc aussi, Wafi sahih. Et donc ici, rapporté par Al-Bukhari, selon Ibn Omar, radiallahu anhuma, أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. Et donc Ibn Omar رضي الله عنهما, il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, après avoir levé la tête, lorsqu'il s'est relevé de l'inclinaison durant la dernière unité de prière, de la prière du Fajr, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ô Allah, maudit un tel et un tel et un tel. Après avoir dit « Sami Allahu liman hamida, rabbana wa lakal hamd » Alors là, Allah, il a fait descendre sa parole « Laysa laka min al-amri shay'in » Tu ne détiens aucune part du commandement. « Wafi riwaya » Et dans une autre narration, « Yad'u » Le prophète qu'il invoquait contre Safwan ibn Umayya, Suhail ibn Amr, Walhad, ainsi que Al-Hadith ibn Hisham. Et c'est là que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala est descendue. Laysa laka min al-amri shay'in. Tu ne détiens aucune part du commandement. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un être humain. Il est touché par les autres. Il est touché par les caractéristiques qui vont toucher les êtres humains, comme la maladie, la blessure ou autre. Et c'est pour cela que sallallahu alayhi wa sallam, il a été blessé à la tête durant cette bataille de Uhud et qu'une de ses dents a été cassée. Et cela nous montre clairement qu'il ne mérite pas l'adoration. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec le rang qu'il a et le fait qu'il soit, donc lui et Ibrahim alayhi salam, les plus aimés d'Allah, malgré cela, il a été blessé, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, si lui ne mérite pas l'adoration, les autres créatures ne méritent pas non plus l'adoration. Et aussi, il y a un élément important ici, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala, ici, il n'a pas répondu à l'invocation du prophète. Le prophète, il a invoqué contre qui ? Il a invoqué contre Safwan ibn Umayya, wa Suhail ibn Amr, wa Al-Harith ibn Hisham. Il a invoqué contre eux qu'Allah les maudisse. C'est-à-dire qu'Allah les chasse de sa miséricorde. Allah Azzawajal n'a pas répondu à son invocation, n'a pas exaucé son invocation. Ils se sont tous convertis. Ils se sont tous convertis à l'islam. Laysa laka min al-amri shay. Tu ne détiens aucune part du commandement. Aw yatoub alayhim aw yu'adhibahum. C'est soit Allah leur pardonne, soit il les châtie. Et donc ce n'est pas toi qui commandes, ce n'est pas toi qui décides. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc ne mérite pas l'adoration. Et si lui ne mérite pas l'adoration, les autres créatures non plus. Et aussi, il nous cite l'auteur, il nous dit wa fihi. Ainsi donc, dans le recueil de Al-Bukhari et Muslim, An Abi Hurayra radiyallahu anhu, qala qama fina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hina unzila alayhi wa andhir ashiratak al-aqrabin. Fa qala ya ma'shara Quraysh aw kalimatan nahwaha. Ishtaru anfusakum. La ughni ankum min Allah shay'a. Ya Abbas ibn Abd al-Muttalib. La ughni anka min Allah shay'a. Ya Safiyyah ammat Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. La ughni anki min Allah shay'a. Ya Fatimah bint Muhammadin. Salini min mali ma shi'ti. la ughni anki min Allah shay'a. Donc Abi Huraira radhiyallahu anhu qui nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est levé lorsque Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre sa parole wa anzir ashirataka al-aqrabin et avertis tes proches, avertis les proches donc de ta tribu, de ta famille. Et donc c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et qu'il a dit oh ma'ashara Quraysh, ô peuple de Quraysh, ou une parole semblable à celle-ci, sauvez vos propres personnes, sauvez vos âmes, je ne vous suis utile à rien face à Allah. Ô Abbas ibn Abdul Muttalib, je ne te suis utile à rien face à Allah, je ne te suis profitable à rien face à Allah tabaraka wa ta'ala. Ô Sophia, tante du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je ne te suis profitable à rien face à Allah. Ô Fatima, fille de Muhammad, demande-moi ce que tu veux de mon argent. Je ne te suis profitable en rien face à Allah. Et donc on comprend clairement de ce hadith, comme on l'a vu précédemment, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne possède rien pour ses proches. Il ne peut rien pour eux, alors que ce sont ses proches. Que dire des autres? Et donc, à partir de là, si lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne détient aucune part du commandement, et ne détient pas la richesse, ne peut rien, ne peut pas être profitable à sa famille ou aux autres. Et donc, toutes les autres créatures ne méritent pas non plus l'adoration, de la même façon qu'elles ne méritent pas l'adoration. Et donc ici, l'auteur, ici, nous montre encore des preuves qui montrent que Allah, tabaraka wa ta'ala, est le seul à mériter l'adoration. Ensuite, dans le chapitre suivant, il nous dit l'auteur, rahimahullah, babu qawlillahi ta'ala, le chapitre concernant la parole d'Allah le Très-Haut, hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Et lorsque la peur aura délaissé leur cœur, lorsque la peur délaisse leur cœur, ils disent, qu'a dit votre Seigneur? Alors, ils disent la vérité. C'est-à-dire, il a dit la vérité et il est Al-Aliyu Al-Kibir. Il est le Très-Haut, le Grand. Ce qui est voulu ici, dans ce verset, ce sont les anges. C'est-à-dire, les anges, malgré le fait, malgré leur proximité avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, leur haut rang et leur caractère noble, ils sont dans cette situation. Malgré cela, ils sont couverts de peur d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'ils entendent la parole d'Allah. Lorsqu'ils entendent la parole d'Allah, ils ont peur. Alors toutes les autres créatures qui n'ont pas la force des anges, que peuvent-ils faire? Que peuvent-elles faire les autres créatures, ces fausses divinités qui n'ont pas la force qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordée aux anges? Malgré ça, les anges ont peur lorsqu'ils entendent la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ici, concernant ce verset, donc il y a un tafsir. Et l'auteur, il nous cite le hadith que les savants citent dans le tafsir de ce verset. Et donc il nous dit l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, wa fi sahih. Et donc aussi donc dans le sahih, ce qui est voulu ici, c'est sahih al-Bukhari. An Abi Hurairah radiyallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, idha qada Allah al-amra fi as-sama'. Selon Abi Hurairah radiyallahu anhu, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala décrète de l'ordre dans le ciel, darabat al-mala'ikatu bi ajnihatiha khud'anan liqawlihi. Et donc lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala décrète l'ordre, le commandement dans le ciel, alors les anges frappent de leurs ailes par soumission pour sa parole. Ka'annahu silsilatun 'ala safwan. Comme si c'est une chaîne qui frappe, comme si c'est une chaîne, c'est le bruit d'une chaîne qui frappe sur un rocher. Yanfudhuhum dhalik. Et cela donc leur fait peur. Hatta idha fuzia an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haq. Jusqu'à ce que la peur donc s'éloigne, ou la peur sorte de leur cœur, alors ils disent: qu'a dit votre Seigneur? Ils disent: il a dit la vérité. Fayasma'uha mustariqu as-sam'a wa mustariqu as-sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'd. Et donc celui qui cherche à écouter les paroles du ciel, ici ce sont les djinns, celui qui cherche à écouter les paroles du ciel, il écoute. Et certes, celui qui cherche à écouter les paroles du ciel est comme ça. Ils sont comme ça, les uns sur les autres. Wasafah Soufiane bikafi. Soufiane, il les a décrits avec sa main. Wa harrafaha wa baddada. Wa baddada bayna asabi'i. Et donc il a mis ses doigts les uns sur les autres. Fayasma'ul kalimata. Fayulqiha ila man tahtahu. Et donc le djinn qui est tout en haut, ils sont les uns sur les autres. Celui qui est tout en haut et qui entend la parole venant du ciel, donc il entend le décret d'Allah que les anges vont prononcer. Et donc lorsqu'il entend cela, il fayulqiha ila man tahtahu. Et donc ce djinn, il va donc transmettre cette parole à celui qui est en dessous de lui. Puis celui qui est en dessous de lui va la transmettre à celui qui est en dessous encore. Jusqu'à ce qu'il transmette cette parole donc au sorcier ou au voyant. Et il se peut que donc le météore ne l'atteigne avant qu'il ait le temps de transmettre cette parole. C'est-à-dire le premier djinn qui a entendu la parole, lorsqu'il l'entend ou lorsqu'il monte pour écouter, il y a un météore qui est lancé donc pour l'atteindre. Et il se peut que le djinn ait le temps de transmettre la parole qu'il a entendue avant de se faire toucher par le météore. Et il se peut que le météore ne l'atteigne avant. فَيَكْذِبُ مَعَهَ مِئَةَ كَذِبًا. Et celui-ci, donc le sorcier, le voyant, il va mentir. Lorsqu'il va avoir cette parole, il va mentir avec elle. Il va mentir 100 fois. Fayukol, alaysa qad qala lana yawm kadha wa kadha kadha wa kadha. Alors il sera dit: n'est-ce pas qu'un tel ou tel jour il nous a dit telle ou telle chose? Fayusaddaqu bitilka al-kalimati allati sumi'at min as-sama'. Et c'est alors qu'il sera cru à cause de cette parole qu'il a entendue dans le ciel. Comment ça, il sera cru? C'est-à-dire qu'il va mentir 100 fois. Mais il a entendu une parole de vérité qu'il va dire aux gens. Et les gens, ils vont le croire dans les 100 fois qu'il va mentir à cause de cette vérité qu'il a entendue. À cause d'une vérité, les gens vont le croire pour le reste des mensonges. Et donc, il y a dans ce hadith plusieurs points importants. Premièrement, le fait d'affirmer que Allah tabaraka wa ta'ala parle. Et ceci est la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a. C'est un sujet d'unanimité chez les gens de la vérité. Et il n'est pas permis de contredire cette parole. Il n'est pas permis donc de dire que Allah tabaraka wa ta'ala ne parle pas. D'ailleurs, ceci est une réplique aux chrétiens. Ceci est une réplique aussi aux chrétiens, car ils ont prétendu que Isa, alayhi salam, fut tué et qu'ensuite il a été ressuscité. Et donc, la question c'est: est-ce que Isa, pendant la période durant laquelle il était dans sa tombe, on demande aux chrétiens, ou que vous prétendez qu'il était dans une tombe pendant 3 jours, est-ce que pendant cette période, il parlait et répondait à ceux qui exauçaient? Si vous dites oui, ou du moins si vous dites non, il ne parlait pas, alors à ce moment-là, vous montrez clairement qu'il ne mérite pas l'adoration, car il n'avait pas la capacité de parler quand il voulait. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala Il blâme cela. Il est celui qui parle quand il veut. Il est celui qui parle quand il veut. Et si vous nous dites oui, il parlait, alors à ce moment-là, vous rendez caduque votre propre croyance, car à ce moment-là, on arrive à la croyance des musulmans qui est que Issa n'est pas mort, tout simplement. Issa n'a pas été tué. Il n'a pas été tué. Et donc à ce moment-là, dans les deux réponses que vous dites oui ou non, votre croyance est caduque. D'ailleurs, Allah Tabaraka wa Ta'ala a blâmé les juifs qui ont pris donc comme divinité un veau d'or en disant Alam yaraw annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Ne voit-il pas que celui-ci, donc le veau d'or, il ne leur parle pas? Ne voit-il pas qu'il ne leur parle pas et qu'il ne les guide pas? Et donc, raisonnez, s'il ne vous parle pas, s'il n'a pas la capacité de vous parler, c'est qu'il est faible. C'est qu'il est faible, et s'il est faible, il ne mérite pas l'adoration. Et s'il est faible, il ne mérite pas l'adoration. Il y a aussi dans ce hadith, un point qu'on a cité précédemment, c'est la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le fait que les anges, ils ont une crainte profonde d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et oui, à tel point que lorsqu'ils entendent la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et donc, ils sont effrayés, ils ont peur. Ils ont peur, les anges. Et le cheikh Obeid, il nous cite une très belle parole. Il nous dit « Wafiq ». أَنَّهُ كُلَّمَ ازْدَادَ الْعَبْدُ عِلْمًا ازْدَادَ مَعْرِفَةً بِاللَّهِ. Et sois sûr que le serviteur, plus il a de science, et plus il connaît son Seigneur, plus il connaît Allah. وَكُلَّمَ ازْدَادَ مَعْرِفَةً بِاللَّهِ ازْدَادَ إِيمَانًا بِهِ. Et plus il connaît Allah, plus il aura, donc, et plus sa foi va augmenter, plus sa foi en lui va augmenter. وَكُلَّمَ ازْدَادَ إِيمَانُهُ بِاللَّهِ عَظُمَتْ فِي قَلْبِهِ خَشْيَتُهُ. Et plus sa foi en Allah va augmenter, plus sa crainte envers lui aussi va augmenter. Et donc il est important, barakallahu fikoum, de comprendre cela. La science qui t'est profitable, c'est la science qui va entraîner chez toi l'augmentation de ta foi. C'est la science qui va entraîner chez toi le fait que tu vas craindre Allah, tabaraka wa ta'ala. Les anges, ils ont peur d'Allah, alors que Jibril, alayhi salam, il a renversé sept cités qu'il a fait monter au ciel. Et qu'ensuite, il les a renversées dessus. Malgré cette puissance qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordée, ils ont peur lorsqu'ils entendent la parole d'Allah. Nous, les êtres humains, on nous dit « Qala Allah, Qala Rasulullah, ah oui, malish. » Malish. Tu dis aux gens, oui, la salat à la mosquée, c'est important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça. Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit, warka'u marraki'in. Priez avec les prieurs. Ah ouais, ok, d'accord. Un jour je viens pas. Ouais, on fait comme ça. Subhanallah. Elle est où la peur d'Allah tabaraka wa ta'ala? Les anges qui sont puissants, ils ont peur. Et nous, les êtres humains, on se croit fort. C'est ça le problème. Les plus faibles, ce sont ceux qui se croient forts. Subhanallah, ajim. C'est surprenant, ça. Et certes, rappelez-vous la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, innama yarshallaha min ibadihi l'ulama. Certes, parmi les serviteurs d'Allah, ceux qui le craignent, ce sont les savants. Et donc, certains savants, ils nous disent ce qui est voulu ici, c'est que les savants, ce sont ceux qui ont la crainte, donc, la plus profonde. Et d'autres savants, ils disent non. Ce qui est voulu ici, c'est qu'à partir du moment où tu crains Allah, tu es un savant. À partir du moment où tu crains Allah, tu es un savant. Et aussi, il y a dans ce hadith, le lien qu'il y a entre les diables parmi les djinns et les diables parmi les hommes. Donc le diable parmi les hommes, parmi eux il y a les voyants et les sorciers. Le lien qu'il y a parmi eux. Certes, les diables, les djinns, ils montaient, ils parvenaient jusqu'au ciel avant pour écouter ce qui se disait, pour écouter les décrets d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et avant, durant la période anti-islamique, avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam,

Mais pour attirer les gens, il y a une minime portion, même une minime portion de vrai. Afin que les gens puissent être leurrés par ce vrai. Et c'est là que nous devons faire très attention. Et c'est la même chose, c'est le même piège dans lequel sont tombés les gens qui font confiance aux voyants. Les gens qui vont aller lire le journal, lire l'horoscope. Hein? Il n'y a pas si longtemps, je crois, avant-hier, il y en a un qui voulait me lire son horoscope. Regarde, c'est marqué ici, ça. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Subhanallah. Et tu sais, toutes les fois où il n'est arrivé rien de cela. Ouais, toutes les fois, oui. Et subhanallah, c'est ajib, c'est surprenant. Tu lui parles de toutes les fois qu'il a lu cet horoscope et qu'il a bien vu que rien de cela n'est arrivé. Il te dit, ouais, mais ça peut arriver. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, de ne pas se faire leurrer par cela. Ensuite, le dernier hadith qu'on va aujourd'hui, inshallah ta'ala. Donc, l'auteur qui nous dit, « Anil Nawas ibn Sam'an, radiyallahu anhu, qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل selon Nawas ibn Sam'an رضي الله عنه qui dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit lorsque Allah تبارك وتعالى veut donc faire révélation de l'ordre du commandement. Alors, il parle par la révélation. Et à ce moment-là, les cieux sont pris par un fort tremblement, par crainte d'Allah Azza wa Jal. فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَوَاتِ صَعِقُوا وَخَرُوا لِلَّهِ سُجَّدًا. Et lorsque les habitants des cieux entendent cela, alors ils s'effondrent et se prosternent pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. Et le premier qui lève sa tête est Jibril, et Allah tabaraka wa ta'ala lui parle en lui citant ce qu'il veut. ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل. Et à ce moment-là, Jibril, donc, il passe par les anges. Et à chaque fois qu'il passe par un ciel, alors les habitants de ce ciel, donc les anges qui sont dans ce ciel, ils interrogent Jibril. « Oh Jibril, qu'a dit notre Seigneur ?»« Qala al-haqqa wa huwa al-aliyul kabir » Alors Jibril, il a dit la vérité et il est le très haut, le grand. فَيَقُولُونَ كُلُّهُمْ مِثْلَمَا قَالَ جِبْرِيلَ. Alors à ce moment-là, tous, ils disent la même chose qu'a dit Jibril. فَيَنْتَهِ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ إِلَى حَيْثُ أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ. Et Jibril, ensuite, il parvient avec la révélation jusqu'à où Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné. Ce hadith que vous avez entendu, donc, la chaîne de transmission de ce hadith a donc plusieurs problèmes concernant des rapporteurs qui sont connus pour certaines faiblesses. Et voilà pourquoi les ulema, ils l'ont jugé faible. Et parmi eux, on a le très savant Al-Albani, rahimahullah, qui a jugé le hadith faible. Cependant, le sens du hadith est correct. Comme vous avez pu l'entendre aussi dans le hadith précédent. Et on va arrêter là pour aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala. Wafakallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa yardor. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan.